que je retiens sur cette question de mobilité, encore une fois, on le verra sur d'autres, c'est implication, c'est information, c'est recherche d'adhésion. Là où très souvent, il y a quand même des tentations qui sont d'imposer finalement une alternative modale sur les modalités de déplacement. Clairement, l'enjeu, c'est comment amener des personnes à se déplacer autrement qu'avec leur voiture. Vous, c'est un peu différent parce que vous êtes sur une échelle des villes où il y a un territoire très densifié avec de vraies infrastructures de transport en commun. Nous, mon épouse pourrait vous le dire pareil, on est sur un territoire où on est très très vite à la campagne et on voit à quel point tout ce qui est périurbain, voire la deuxième couronne, est très très crispé sur ces questions-là. On sort de Café Mobilité où la crainte c'est ça, c'est dire oui mais on va m'imposer un autre modèle de déplacement. Mais à ce moment-là, je n'ai pas d'opposition de principe, mais est-ce que je suis assuré que je vais pouvoir me déplacer tout aussi librement, pouvoir faire mon enchaînement de motifs si j'ai des déplacements pour mes enfants, des choses comme ça. Là, on entend vraiment qu'il y a eu un souci de prendre en compte la totalité des inquiétudes, même si c'est difficile de servir tout le monde.